À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution du Sun-gun par le général Kim Jong-il, un meeting a eu lieu en Pologne et une conférence en Guinée. Lors des cérémonies, les orateurs ont indiqué que c'est un grand événement que le général Kim Jong-il a commencé le 25 août 1960 la direction de la révolution de Sun-gun par l'inspection à la division de chars de Gyeongsu numéro 105, lauréate du titre de Gunny Guard Séoul de l'armée populaire de Corée. Ils ont noté également que sous sa direction clairvoyante, l'armée populaire de Corée est devenue une puissance d'élite et remporte toujours la victoire dans la confrontation avec les forces impérialistes alliées sous la coupe américaine. Les participants au meeting tenu en Pologne ont adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, le Forum allemand anti-impérialiste a organisé le 15 un séminaire à l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution du Sun-gun et du 71e anniversaire de la libération coréenne.